lors de cette journée de m'avoir invitée. J'ai conduite au Québec en 2012 et 2013 dans le cadre d'un post-doctorat de 2 ans au département d'anthropologie de l'Université Laval et qui avait été financé aussi par la Fondation Ficène. Alors, je travaillais sur l'expérience sensorielle, émotionnelle et aussi alimentaire et cognitive d'une chimiothérapie anticancéreuse qui est administrée à des femmes traitées pour un cancer gynécologique. Alors très vite, quand je me suis adressée à l'équipe médicale, on m'a très rapidement orientée vers une catégorie d'infirmières dont je n'avais pas du tout connaissance, qui sont les infirmières pivots en oncologie. Alors il s'agit d'un nouveau rôle infirmier qui a été proposé en 1997 dans le programme québécois de lutte contre le cancer et qui a été introduit dans les équipes d'oncologie depuis 2001. Alors, il s'agit d'un intervenant qui sert de référent donc pour les malades et aussi qui est à l'interface entre les patients et les professionnels de santé. Et il doit répondre à l'objectif d'assurer une meilleure réponse aux besoins des patients dans une approche globale en leur proposant des soins centrés sur la personne. Alors, dans ce cadre, les infirmières pivots ont en charge un volet nutritionnel qu'elles peuvent partager avec d'autres professionnels de la santé et j'y reviendrai par la suite. Alors, dans le cadre de cette communication, je vais répondre aux questions suivantes. Qui sont les professionnels de santé qui interviennent sur le plan nutritionnel en oncologie au Québec? Et quelle est la coordination des soins qui est mise en place avec les infirmières pivots dans cette prise en charge? Ensuite, je me demanderai comment interviennent les infirmières pivots auprès des patientes pendant leur traitement de chimiothérapie et en quoi leur intervention peut-elle influencer leur comportement alimentaire. Enfin, je demanderai comment les patientes se positionnent-elles par rapport à cette prise en charge conventionnelle. Alors, je vais répondre aussi à... Je me suis fixé plusieurs objectifs. Montrer d'abord le rôle des infirmières pivots dans la coordination des soins et la prise en charge nutritionnelle des patientes atteintes de cancer. Montrer dans quelle mesure il y a une complémentarité des soins, une complémentarité entre les soins médicaux et la prise en charge nutritionnelle. Je vais ensuite analyser les comportements alimentaires des patientes et aussi leur positionnement par rapport à la prise en charge donc, qui leur est proposée. Cela va me permettre de proposer une réflexion qui permet de joindre 2 points de la littérature en sciences humaines et sociales. D'une part, la littérature qui porte sur les infirmières et notamment dans ce cas précis sur les infirmières pivots en oncologie. Alors au Québec, justement, il y a des travaux qui portent sur le processus d'implantation de ce nouveau rôle infirmier, des difficultés qui ont été rencontrées, des stratégies aussi qui ont été mises en place par les infirmières pour travailler dans un contexte interdisciplinaire. Et aussi, il y a des travaux qui portent sur les représentations de ce nouveau rôle et l'impact et les effets donc par rapport aux patients. Ensuite, le deuxième point de la littérature qui m'intéresse, c'est notamment le point sur l'alimentation et le cancer. Donc en sciences humaines et sociales, donc il y a des travaux, naturellement les travaux précurseurs d'Annie Hubert et de ses collaborateurs qui portaient initialement sur les modes de vie et les habitudes alimentaires comme facteurs de risque dans le développement des cancers. Et puis ces dernières années, il y a eu d'autres travaux qui ont été développés par des sociologues, comme Siri Jakubovic par exemple, qui a plutôt analysé l'impact du cancer et des traitements anticancéreux comme certaines chimiothérapies sur les pratiques alimentaires. Ensuite, il y a d'autres travaux qui ont été également réalisés sur les discours et représentations sur la nourriture et la consommation alimentaire pendant le cancer. Donc, ce sont des travaux qui ont été développés par Kirstenbell au Canada. Et des travaux aussi qui portent sur les pratiques alimentaires en rapport avec les traitements en termes d'efficacité thérapeutique et aussi de pratiques d'observance. Donc là, je pense aux travaux d'Hélène Noiroux. Enfin, également, je me suis intéressée aux travaux qui ont été réalisés par Patrice Cohen et Émilie Legrand, notamment dans un article qui a été publié en 2011 sur la place de l'alimentation dans les soins non conventionnels en France. Cet article m'a d'autant plus intéressée qu'au Québec, on est dans une situation différente, étant donné que l'alimentation a une place vraiment dans les soins conventionnels. Alors comment est-ce que je m'y suis pris sur le terrain concrètement? D'abord, je me suis intéressée à un protocole de chimiothérapie qui est composé de 2 médicaments, le carboplatine et le taxol, qui est une chimiothérapie qui est administrée souvent à la suite d'une chirurgie, est administrée par voie intraveineuse. notamment à des femmes avec un cancer gynécologique, pour une moyenne à peu près de 6 à 8 cures, avec un intervalle de 3 semaines entre chaque cycle de traitement. Alors, les effets secondaires sont variables d'une patiente à l'autre, notamment la fatigue, comme il avait été évoqué aussi précédemment, des nausées, voire des vomissements, des troubles sensoriels, notamment au niveau gustatif, donc on a des altérations du goût, des aliments qui peuvent, qui changent de goût, aussi une perception des odeurs qui va changer, donc une altération olfactive, voire tactile. Les patientes aussi peuvent avoir des ulcères dans la bouche, souffrir d'anémie et d'engourdissement dans les mains et les pieds, de douleurs dans le corps, pour vous donner un peu une idée des effets secondaires les plus courants. Alors, cette recherche a été menée donc dans un CHU au Québec, au sein d'une équipe médicale de gynéco-oncologie, ce qui m'a permis donc ensuite d'accéder aux patientes. Donc, j'ai travaillé avec 21 patientes, 16 avec un cancer de l'ovaire, 2 avec un cancer de l'endomètre et 3 avec un cancer du péritoine. 5 patientes étaient en rémission au moment de nos rencontres. J'ai également travaillé avec 10 proches et j'ai suivi 2 infirmières pivots spécialisées en gynéco-oncologie, 2 infirmières recherche et aussi une infirmière traitante qui, elle, est plus spécialisée dans l'administration de la chimiothérapie. Ensuite, sur le terrain, j'ai utilisé différentes méthodes, l'observation, en suivant naturellement les infirmières dans le déroulement de leurs activités quotidiennes, mais aussi certaines patientes en les accompagnant à des rendez-vous médicaux, à certains traitements également, dans la salle d'attente aussi, et puis parfois en les rencontrant à domicile. Il y a eu également des entretiens semi-directifs qui ont été menés autant avec les patientes, les proches et le personnel médical, pour un total à peu près de 120 entretiens. Alors, dans le cadre de cette communication, je vais aborder 3 points. Dans un premier temps, je vais présenter la prise en charge nutritionnelle avec le rôle des infirmières pivots en oncologie. Dans un deuxième temps, je vais parler plus des patientes et de leurs ressentis par rapport donc à l'alimentation pendant les traitements. Et dans un troisième temps, je vais aborder un petit peu leur positionnement par rapport à la prise en charge nutritionnelle qui leur est proposée. Alors, le rôle des infirmières pivots est centrale au Québec dans la prise en charge donc des patients. En quoi, comment définir leur rôle? Tout d'abord, elles doivent évaluer l'état de santé des patients, gérer les symptômes, les informer sur les traitements et les effets secondaires, apporter un soutien psychosocial, coordonner les soins, aussi en référant les patients à certains médecins et donc à des spécialistes comme des psycho-oncologues, travailleurs sociaux, nutritionnistes. Et elles doivent aussi les aider, les patients, à cheminer au sein du système médical. Elles restent disponibles auprès des patientes durant toute la durée des traitements, une fois que le diagnostic de cancer a été confirmé. Et elles les suivent ensuite, même en temps de rémission si nécessaire, et également si en situation de récidive, voire de fin de vie. Alors, elles se rencontrent à quelles occasions? Généralement après la chirurgie, donc en situation post-opératoire, et aussi au début des traitements de chimiothérapie et à intervalles plus ou moins réguliers à la demande des patientes. Les infirmières pivots sont également joignables par téléphone et par mail. Alors, les infirmières pivots sont également chargées d'éducation thérapeutique des patients. Alors, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique? Pour un bref rappel, en 1988, l'OMS le définissait comme un ensemble de pratiques visant à permettre aux patients l'acquisition de compétences afin de pouvoir prendre en charge de manière active sa maladie, ses soins, sa surveillance, en partenariat avec les soignants et de manière continue et dans un processus intégré aux soins et centré sur le patient. Alors, dans le cadre de l'éducation thérapeutique, donc, il y a tout un volet nutritionnel où les infirmières pivots en oncologie vont donner tout un ensemble d'informations, de conseils, de réponses et aussi vont réaliser des actes si nécessaire pour répondre aux besoins et aux questions alimentaires que peuvent avoir les patientes pendant toute la durée des traitements, voire en rémission, en situation de récidive, voire aussi en fin de vie. Alors, les infirmières pivots partagent cette prise en charge nutritionnelle avec d'autres intervenants plus ou moins importants. Alors tout d'abord, qui sont ces intervenants? Il peut y avoir les oncologues, mais les oncologues, s'ils vont donner des informations sur la question nutritionnelle, ça va être souvent de façon très très brève. Ensuite, il va y avoir les infirmières traitantes. Donc au moment de l'administration de la chimiothérapie, elles vont répondre à des questions qui peuvent être posées par les patientes sur la question alimentaire. Ensuite, les pharmaciennes, qui ont un rôle très important au Québec, étant donné qu'avant chaque cycle de chimiothérapie, les patientes sont amenées, ou les patients de façon générale, ils vont rencontrer les pharmaciens. Et à ce moment-là, ils vont discuter des effets secondaires de la chimiothérapie, voire ils vont aborder aussi la question alimentaire. Il peut y avoir un enseignement, notamment quand les pharmaciens vont expliquer aux patients qu'il faut éviter certains aliments, comme le pamplemousse, en raison d'interactions médicamenteuses qui pourraient peut-être compromettre l'efficacité du traitement. Alors, il y a également un acteur important, un intervenant important dans cette prise en charge, qui est le nutritionniste. Alors, le nutritionniste, à la différence de l'infirmière pivot en oncologie, ne va pas rencontrer tous les patients, ni toutes les patientes avec un cancer gynécologique. Alors, il ou elle va rencontrer, en fait, tous ceux qui lui vont être référés par le personnel médical et aussi à la demande de certains patients. Les nutritionnistes vont également rencontrer les personnes qui ont des problèmes alimentaires majeurs ou comme en situation de dénutrition par exemple, ou si des patients ont des stomies également. Donc, et aussi les nutritionnistes vont rencontrer des personnes qui peuvent avoir un problème alimentaire qui était déjà présent avant le diagnostic de cancer, par exemple en cas de diabète. À côté, alors, les infirmières pivots, elles, vont rencontrer systématiquement les patients, si tout se passe normalement. Et après la chirurgie, et après ou pendant la chimiothérapie, elles vont donner un enseignement post-opératoire ou un enseignement de chimiothérapie, où elles vont donner des recommandations, et ce qu'elles disent, appelées des trucs, ce sont des astuces un petit peu adaptées au cas par cas, aux problèmes individuels. Parfois tirer des expériences d'autres patients également, qui permettent de mieux vivre la phase des traitements et de faire face donc aux difficultés qui peuvent être rencontrées dans le quotidien. Alors, il s'agit avant tout d'un discours qui porte sur la gestion de l'énergie. Alors, ça peut être aussi bien au niveau des activités domestiques, au niveau du sommeil, mais aussi au niveau de l'alimentation. Or, les infirmières vont dire qu'il faut écouter, que les patients doivent écouter leur corps, se reposer, avoir une activité qui soit adaptée en fonction de leurs ressentis. Et elles invitent aussi l'entourage à s'impliquer dans les tâches quotidiennes. Et elles vont également encourager une alimentation dite énergisante. Alors, au niveau de l'enseignement plus spécifique à l'alimentation, il y a trois objectifs. Elles ne le disent pas comme telles, mais en fait, elles veulent dans un premier temps encourager, elles veulent avant tout que les patientes ne soient pas confrontées à un risque d'infection. Donc, on va donner une liste d'aliments à éviter, donc certains interdits alimentaires, par exemple les sushis, les tartares, les viandes saignantes ou encore les fromages au lait cru. Ensuite, le deuxième objectif pour elles est d'éviter la perte pondérale et aussi les risques de dénutrition. Alors, effectivement, elles vont être attentives à donner des trucs, toujours au niveau alimentaire, et aussi de promouvoir une alimentation énergisante. Alors, qu'est-ce que c'est une alimentation énergisante? C'est une alimentation qui est centrée sur les protéines. Alors, ce qui se distingue aussi des observations qui avaient été faites par Hélène Warraud, qui justement en France, c'était plus les vitamines qui avaient cette vertu énergisante. Alors, les protéines, c'est-à-dire, ce sont les viandes, les poissons, les fruits de mer, les produits laitiers ou encore les noix et les légumineuses. Elles sont présentées comme ayant une action directe, bénéfique et réparatrice dans le corps pour mieux faire face donc au cancer, aux effets secondaires et aux effets secondaires des traitements. Il y a également un troisième objectif que vont présenter quelque part les infirmières pivots en préconisant dans un deuxième temps d'adopter une alimentation dite santé. Alors le personnel soignant vont préconiser une alimentation donc qui est conforme au guide alimentaire canadien, qui est considéré comme un modèle pour une alimentation saine et équilibrée, car variée et riche, comme vous le savez, en fruits et légumes, plus pauvre en sucre, plus pauvre en sel et en matières grasses. Alors, quelle est l'attitude des patientes à l'égard de ces recommandations et qu'en font-elles concrètement dans leur pratique alimentaire ? Alors, j'ai remarqué sur mon terrain que cela dépendait beaucoup de leur ressenti et comment elles vivent justement les effets secondaires induits par la chimiothérapie. Alors, tout d'abord, pour les patientes, manger en chimiothérapie peut être vécu comme une expérience de la contrainte. Alors, selon les cas, pendant la phase curative, l'acte alimentaire devient un réel effort parce que les patientes disent se forcer ou s'obliger à manger, se conditionner pour manger. Alors, pourquoi manger devient une contrainte ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en cas de perte d'appétit. Certaines patientes disent « je n'ai plus le goût de manger, j'ai le goût de rien ». Alors, cette inappétence est au mieux temporaire, mais quand elle s'installe dans la durée, effectivement, ça devient particulièrement contraignant. Cette perte d'appétit est due donc à la chimiothérapie et aux effets secondaires, tels que les nausées et vomissements, ou encore aussi à des facteurs sociaux et spatiaux, par exemple le lieu de convalescence. Revenir chez soi ou à l'extérieur peut aussi avoir un impact sur l'appétit, ou encore l'isolement et la solitude. Il y a également des facteurs émotionnels. La peur liée au cancer, à l'incertitude et au traitement peut littéralement couper l'appétit. Manger devient une contrainte aussi en raison des troubles sensoriels que j'avais évoqués plus tôt. Donc effectivement, il y a des patientes qui ont des troubles au niveau gustatif, donc elles ne ressentent plus les aliments de la même manière et elles vont ressentir un goût de métal, un goût amer, un goût acide, un goût sucré anormal et qui effectivement peut les gêner au niveau de leur alimentation. Il peut y avoir également des problèmes au niveau olfactif. Étant donné que certaines odeurs liées à des repas, à des aliments en particulier, vont leur devenir désagréables alors que ce n'était pas le cas par le passé. Et encore au niveau tactile, il y a également une perception de douleur lorsque l'aliment est mis en bouche à l'occasion d'ulcères, notamment buccaux. Alors, manger est vécu comme une contrainte dans ces cas-là, ce qui a un impact aussi au niveau émotionnel. Alors, les patientes vont exprimer différentes émotions selon les situations. Certaines patientes vont dire littéralement que manger, c'est plate. Ça veut dire c'est ennuyeux. Donc, elles ressentent un profond ennui. Oui, c'est québécois. Oui. Oui, c'est plate, c'est ennuyeux. C'est... Donc, ça peut être source de frustration pour elles, étant donné qu'elles n'ont envie de rien, elles n'ont pas envie de manger. Et puis, ça devient même contagieux, étant donné que dans leur quotidien, elles ne veulent plus rien faire et elles ne savent même plus quoi préparer pour leur famille, dans certains cas. Certaines se sentent aussi incomprises, un sentiment d'incompréhension, quand l'entourage ne s'attend pas à la manifestation de certains effets secondaires, par exemple au niveau de la perception des odeurs. Un repas qui était auparavant très apprécié et qui ne l'est plus en raison des odeurs qui provoquent des nausées, par exemple. Certaines patientes se sentent aussi découragées. Quand il y a une perte d'appétit, de troubles sensoriels qui s'installent dans la durée, certains proches avec les meilleures intentions du monde vont encourager à manger, mais elles n'y arrivent pas. Donc elles sont découragées aussi. Et dans des cas un peu plus extrêmes, quand des proches se veulent trop insistants pour les encourager à manger, bien certaines essayent, mais se rendent malades, si bien qu'elles se mettent dans des situations aussi de colère. Donc on voit qu'effectivement c'est une expérience au niveau émotionnel assez contrastée et qui peut être aussi très difficile à vivre. Mais par ailleurs, il faut savoir que pendant la chimiothérapie, toutes les patientes que j'ai rencontrées ne souffraient pas d'effets secondaires et d'impact ayant un impact sur leur pratique alimentaire. Certaines mangeaient tout à fait normalement ou dans certains cas les effets secondaires étaient temporaires, donc pas si incapacitants et pas si contraignants que ça. Donc il y a des patientes qui ont aussi du plaisir à manger grâce au truc alimentaire justement des infirmières pivots, ces petites astuces qui peuvent aussi être pratiques. Aussi quand il y a de la compagnie, manger avec des proches aussi va être considéré comme une motivation supplémentaire et un facteur stimulant. Également, ce qui va encourager le plaisir à manger, c'est la prise en charge culinaire qui peut être assurée par des proches de façon temporaire, permanente ou ponctuellement par des cadeaux alimentaires. Et aussi, il y a des patientes qui développent des stratégies parce qu'elles découvrent petit à petit leur rapport à l'alimentation. Et par des essais-erreurs, elles voient un petit peu quels sont les aliments qu'il convient d'éviter. Et à ce moment-là, elles se replient sur les aliments plus appétissants. Parfois, elles vont se forcer un petit peu. Il s'agira plutôt d'un effort modéré pour des aliments qu'elles considèrent bons pour leur santé, mais pas au point de se rendre malade, c'est certain. Et ensuite, certaines vont aussi développer des stratégies de camouflage gustatif en utilisant par exemple des sauces ou des couverts en plastique pour justement éviter d'avoir un goût de métal quand elles vont manger certains aliments. Mais il y a aussi des patientes qui vont avoir du plaisir à manger, mais avec un sentiment de culpabilité. Alors, ce sont souvent des patientes qui ont des coups de fringale, des envies subites comme des femmes enceintes, qui se tournent vers certains aliments. Alors, toute une panoplie d'aliments. Il peut s'agir de pistaches, de viande rouge, mais aussi de hot dogs ou encore de biscuits au caramel. La liste est longue et vraiment très variable d'une patiente à l'autre. Donc, pour certains de ces aliments, ils sont considérés comme des aliments dits santé. Donc, bons pour la santé, quand, par exemple, il peut y avoir une envie de légumes. Mais dans certains cas, par exemple, comme pour les hot dogs, ils ne sont pas considérés comme des aliments santé, mais plutôt comme des cochonneries, comme on les appelle au Québec. Et à ce moment-là, elles se sentent coupables parce qu'elles ne répondent pas à une certaine injonction sociale qui est aussi très présente au Québec, au Canada, mais aussi en France, donc de manger une alimentation saine et équilibrée. Et donc, effectivement, elles sont en contradiction avec le guide alimentaire canadien ou encore avec ce qui est préconisé dans les médias au Québec, dans des émissions télé et dans des reportages qui sont diffusés sur Radio-Canada ou encore dans la presse écrite ou encore dans des ouvrages spécialisés sur le cancer et l'alimentation, notamment les ouvrages du docteur Richard Béliveau et Denis Gingras qui portent sur les aliments et les aliments contre le cancer et qui font référence vraiment au Québec, qui sont mentionnés par tout le monde et beaucoup par les patientes. Alors, donc, ces patientes se sentent coupables de ne pas avoir, de ne pas aimer forcément une alimentation santé pendant les traitements et de succomber à leur fringale en mangeant donc des cochonneries qui ne sont pas conformes toujours aux recommandations alimentaires. Alors, quel est le rapport justement de ces patientes avec la prise en charge qui leur est proposée? Donc, moi j'ai identifié 5 types de comportements ou 5 types de profils de patientes. Tout d'abord, il y a les patientes que j'ai appelées les contraintes, qui sont en quête de solutions face à leurs difficultés à s'alimenter et à une perte de poids problématique. Elles cherchent à tout prix une solution donc, pour trouver des forces et elles vont s'adresser aux infirmières pivots ainsi qu'aux nutritionnistes pour essayer de trouver des solutions. Donc là, l'emphase va être donnée sur les trucs alimentaires et l'alimentation dite énergisante. Ensuite, il y a les conformes. Ces patientes qui cherchent à tout prix à être conformes à un modèle alimentaire santé qui a été déjà adopté avant la maladie mais renforcé avec le diagnostic de cancer. Alors, il s'agit de patientes qui ont des effets secondaires peu importants et ou peu durables et qui cherchent à manger sain et équilibré pour maintenir un poids santé, mieux supporter les traitements et ne pas retarder les cycles suivants et aussi pour éviter dans la mesure du possible les risques de récidive. Alors, le modèle recherché est souvent vécu comme rassurant par les patientes. Alors, elles veillent aussi à mettre en pratique les recommandations qui leur sont données dans la prise en charge nutritionnelle, mais elles vont aussi avoir une démarche de recherche d'informations en faisant des recherches sur Internet ou encore en regardant les articles dans la presse écrite ou encore en reposant sur des ouvrages tels que celui du docteur Richard Béliveau et du docteur Denis Gingras. Il y a ensuite un troisième profil que j'appellerai les bricoleurs en reprenant l'expression de Patrice Cohen et Émilie Legrand, étant donné que le profil est semblablement identique. Les patientes, dans ce cas-là, respectent les interdits alimentaires et font des petits aménagements dans leurs habitudes alimentaires. Parfois ponctuellement, pour manger moins de sucre, moins de gras, de temps en temps manger quelques fruits. Mais elles ne veulent pas se priver. Et elles veulent essayer de manger ce qui leur fait envie et plaisir. Elle gagne alors des informations sur l'alimentation santé selon les reportages télévisés et les articles qu'elle rencontre dans la presse. Ensuite, il y a un quatrième profil qui est celui des contestataires du modèle alimentaire pendant les traitements. Il s'agit d'une minorité de patientes, mais qui convient quand même de mentionner. Ce sont des patientes qui disent que manger santé, ce n'est pas compatible avec les traitements de chimiothérapie et qu'il faut laisser libre cours à leurs envies, à leurs fringales, pour ne pas culpabiliser, parce qu'elles en ont ras-le-bol. Et donc, selon elles, à partir du moment où l'équipe médicale aussi encourage les patientes à manger ce qui leur fait envie et ce qui leur fait plaisir avant de mettre au premier plan ces recommandations dites santé, à ce moment-là, elles se sentent beaucoup plus à l'aise, elles vivent beaucoup mieux la période des traitements et notamment le rapport à l'alimentation. Enfin, je parlerai d'un cinquième profil que j'ai appelé les détachés. Ce sont des patientes qui suivent les principales recommandations qui ont pu leur être données, mais ne cherchent pas à changer leurs habitudes alimentaires parce qu'elles estiment qu'elles auraient dû le faire avant que le diagnostic ne soit posé, avant donc d'être malade. Alors, dans l'échantillon de femmes avec lesquelles j'ai travaillé, il semble que les informations et l'accompagnement qui a été proposé par les infirmières pivots en général leur a suffi. J'ai essayé de voir dans quelle mesure elles allaient chercher des informations auprès d'autres spécialistes et d'autres thérapeutes extérieurs à la prise en charge proposée, mais la plupart d'entre elles me disaient qu'elles avaient déjà suffisamment de choses à faire et à vivre avec tous les rendez-vous, qu'elles en avaient déjà assez et que effectivement ce qu'on leur donnait comme conseil leur suffisait. Mais je ne sais pas si leur réponse était aussi due à ma propre position, étant donné que moi j'avais été introduite par l'équipe médicale, ce qui peut-être dans certains cas avoir joué dans certaines réponses, bien que j'ai essayé de faire mon mieux pour montrer que j'étais relativement détachée. Alors, j'ai aussi remarqué que quand des patientes veulent chercher des informations, voire s'adresser à quelqu'un d'extérieur, qu'ils en font mention auprès de l'équipe médicale va tout de suite les orienter vers la Fondation québécoise du cancer et la Société canadienne du cancer, où il peut y avoir certains praticiens, comme des acupuncteurs, qui sont homologués. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de contrôle. L'équipe médicale a une meilleure idée de ce qui est dit, de ce qui est fait, pour être sûr que ça ne va pas rentrer en contradiction avec ce qu'ils peuvent faire. Alors, pour conclure, les infirmières pivots donc, sont au centre de la coordination des soins au Québec en assurant l'interface avec les patients et les soignants. Il y a aussi une complémentarité entre les soins médicaux et la prise en charge nutritionnelle. Alors, effectivement, les recommandations nutritionnelles viennent en complément de soins médicaux par un travail d'éducation et donc d'accompagnement thérapeutique est assuré par les infirmières pivots. Et les comportements alimentaires des patientes à l'égard des recommandations répondent à une logique qui est prise entre la nécessité et une certaine liberté de choix, la nécessité de manger à tout prix et de trouver des solutions pour éviter des complications médicales, et la liberté de choisir, d'adopter ou d'adapter, chacun à sa sauce, les recommandations qui leur sont faites. Alors, pour mieux saisir leur rapport à l'alimentation et aussi à la prise en charge, il est vraiment nécessaire et essentiel de prendre en compte aussi tout le vécu émotionnel. Il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont été faits sur le vécu émotionnel des patients. Et là, il est important, selon moi, de le redoubler par rapport à la question de la prise en charge, pour mieux comprendre justement les patientes, ce qu'elles peuvent vivre et ce dont elles peuvent avoir besoin. Alors, il semble dans un premier temps que les infirmières pivots répondent bien aux demandes des patientes. Cependant, elles rencontrent un certain nombre de difficultés à accomplir leur mission. Tout d'abord, un problème d'effectifs. Le nombre de malades ne cesse d'augmenter aussi au Québec et les effectifs, eux, n'augmentent pas de la même manière. Donc, elles se retrouvent complètement débordées, si bien qu'elles ne peuvent pas voir tous les patients. Donc, il y a certains patients qui n'ont pas accès à l'information et à l'accompagnement thérapeutique. Il y a également des lourdeurs administratives de plus en plus contraignantes et qui prennent énormément de temps et qui vont aussi grignoter sur le temps qu'elles peuvent accorder au niveau des patients. Il existe aussi des problèmes relationnels à l'intérieur des équipes avec certaines catégories de médecins qui peuvent effectivement gêner le déroulement de leur travail. Il y a également des problèmes politiques, des décisionnaires qui ne saisissent pas exactement leur rôle sur le terrain et qui leur demandent d'assumer des tâches qui ne reviennent pas, comme une anecdote où on a demandé à une infirmière pivot de suivre des personnes mais qui n'avaient pas le cancer. Enfin, elles ont aussi des difficultés psychologiques. Certaines infirmières disent qu'elles sont fatiguées de la maladie, pour reprendre leur expression, en raison de l'absence d'un dispositif de soutien des infirmières. Alors, selon l'article qui a été publié par ailleurs par Patrice Cohen et Émilie Legrand, donc concernant la France, la problématique alimentaire apparaît en France comme la part manquante de la prise en charge officielle. Au Québec, il en est tout autrement. Elle fait partie intégrante des soins conventionnels dans une logique de complémentarité des soins, mais il y existe quand même une certaine fragilité auquel il faut rester vigilant. Et je me demandais, moi, par ailleurs, en France, je sais que l'éducation thérapeutique est un point très très important au niveau des équipes médicales. Depuis la publication de cet article, il y a sûrement des changements qui ont eu lieu. Et je me demandais justement quelle était la part de l'alimentation dans l'éducation thérapeutique en France à l'heure actuelle. Voilà, je vous remercie.